L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Prochainement à l'affiche, nous allons commencer par Jean-Paul Wenzel avec Antigone 82 d'après le quatrième mur de Sorge Chalandons, avec, je disais en début d'émission, un chantier de création théâtrale. Alors j'ai lu, pour essayer de me renseigner, vous allez me dire si c'est dans cette direction qu'il y a ce travail qui va être présenté au public au cours de ce mois de septembre 2016. Chantier de création, chantier professionnel qui est basé sur l'expérimentation. Essai d'un texte au plateau en dehors de toute visée de production. Je me dis, comment est-ce possible ? Eh bien, si. Eh bien, oui, j'ai eu envie, depuis que je suis en compagnie et que je suis parti du centre dramatique de Montluçon, j'ai eu envie de continuer le travail d'expérimentation, de recherche avec des acteurs. Et donc, l'Île-de-France me donne un petit peu d'argent pour faire ces chantiers de création. C'est un moment de liberté. C'est vrai que à la recherche avec des acteurs sur un texte qui, voilà, ça me permet de travailler un peu différemment, de ne pas avoir la pression de la production et de chercher librement avec des acteurs ce travail théâtral. Alors, c'est envisagé comme pouvant devenir une future création ou pas ? Oui, après, bien sûr, s'il y a l'engouement du public et des professionnels, on visera un peu plus loin. Mais là, c'est un chantier qui est très court, c'est 3 semaines de travail, avec 9 acteurs, dont 2 musiciens, des techniciens, etc. Donc c'est un travail très très compact, très rapide, sur un roman énorme, qui est ce quatrième mur de Sorge Chalandons. Donc effectivement, on arrive à un endroit très fragile, mais j'ai envie de le présenter au public, pour voir si je peux continuer l'expérience. Un travail sur une adaptation d'Arlette Namiance qui co-dirige avec vous, je crois, la compagnie que vous dirigez, à savoir... La compagnie Dorénavant. Merci de m'aider. L'histoire au départ, Le Quatrième Mur, c'est un roman, mais basé sur des faits réels, une histoire, un pari fou, un véritable défi. L'histoire de monter Antigone dans un environnement de guerre, à savoir au Liban, à Beyrouth. Voilà, c'est ce jeune homme metteur en scène qui hérite par son copain mourant de faire cette mise en scène d'Antigone d'Anouilh au Liban, dans le Liban en guerre. Et il a mis 3 ans à préparer ça pour prendre dans chaque camp ennemi chaque personnage. Antigone est palestinienne, des gardes sont druzes, il y a des phalangistes, le phalangiste qui joue Créon, donc tous ces gens en guerre. Il a le rêve de faire 2 heures de paix en montant Antigone avec tous les ennemis. Donc c'est un pari un peu fou, un pari un peu rêvé, mais il va tenter, je dis bien tenter de le faire parce qu'il n'y arrivera pas, de monter cette Antigone avec tous ces gens en guerre. Et donc on a, à travers l'écriture de Sorge, qui est assez magnifique, c'est un roman vraiment incroyable, l'adaptation qu'a fait Arlette, une adaptation très, très vive, très dynamique, c'est un cœur d'acteur qui s'empare de cette histoire et qui nous la raconte. C'est un moment très très fort, en même temps de théâtre qui essaie de sauver, mais la guerre est beaucoup plus forte que le théâtre en fait. Avec des allers-retours entre Beyrouth en guerre et Paris en paix, puisque l'histoire, effectivement, la base de cette histoire se passe entre ces deux villes. Entre ces deux villes où, effectivement, Georges, notre héros, qui a hérité, parce que c'est pas de son fait, c'est vraiment un héritage de son copain qui est grec et juif, et qui voulait monter cette affaire, mais... Il est mort, donc il a demandé à Georges sur son lit de mort de le remplacer. Il n'a pas pu dire non, donc voilà notre Georges plongé dans cette guerre. Et la beauté de la chose, c'est qu'il va aussi, donc en retour à Paris, être de moins en moins en paix à Paris. C'est-à-dire que la guerre va le choper, le grignoter, grignoter sa conscience, son âme, petit à petit, et la guerre va être plus forte que la paix pour lui aussi. Est-ce qu'il y a des analogies entre Antigone d'Anouilh ? Je crois savoir que ça a été monté la première fois au théâtre à la fin de la guerre, en temps de guerre. En temps de guerre, oui. Il y a des analogies entre ce travail et cette histoire qui se passe à Beyrouth, En 82, c'est ça, 1982? Oui, c'est pendant le bombardement de Sabra et Chatila qu'on a situé l'action et que l'action est située. Donc c'est à cause de Sabra et Chatila que la pièce n'aura pas lieu, finalement, que cette Antigone n'aura pas lieu. Et en effet, il y a des analogies, mais elles ne sont pas absolument directes. C'est-à-dire que petit à petit, Georges va se trouver dans la position d'Antigone, à devoir enterrer rapidement son actrice et d'autres acteurs. Donc il est dans une position comme ça, très proche d'Antigone. Mais ce ne sont pas des liens qui sont directs, c'est une appréciation comme ça un peu légère et en même temps terrible de cette Antigone. Mmh. Parti pris de votre dorénavant compagnie que vous avez créée en 2003, l'identité même de votre compagnie, c'est l'écriture. Écriture tant sur les pièces que les adaptations, c'est toujours au centre de votre activité. Et ce texte-là, est-ce à dire que même quand on fait une adaptation, on essaye de respecter au plus près l'auteur? Oui, moi je suis auteur moi-même, donc Arlette Namion est aussi auteur dramatique. Donc effectivement, depuis le départ, depuis que j'ai commencé à faire du théâtre, je n'ai monté que des œuvres contemporaines. Je suis intéressé par les classiques en les voyant chez les autres, mais moi personnellement, ce qui m'intéresse, c'est cette prise directe avec le réel, avec notre époque, notre monde. Donc en effet, je travaille des pièces contemporaines ou des romans. Arlette Namion, ça doit être le sixième ou le septième roman qu'on adapte au théâtre. Voilà, ce sont des histoires qui permettent d'être en prise directe avec le réel, je trouve. Alors ce travail de chantier professionnel, de chantier de création, ça va être présenté au public le jeudi 22 septembre à 19h30 ainsi que le vendredi 23 septembre à 20h30 à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy, et ça sera le fruit de 3 semaines de chantier. Voilà, 3 semaines de chantier, un petit peu plus, 3 semaines et demie on dit maintenant, 3 semaines et demie de travail. C'est un travail où il y a des lumières, il y a du son, il y a de la musique, il y a une équipe formidable d'acteurs et de musiciens et de techniciens. Donc on est prêt pour cette étape de travail, en tout cas. Quand je parlais d'analogie avec le travail d'Antigone de Hanouille, est-ce qu'il y a des analogies avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Car on ne peut pas dire que depuis 1982, depuis cette guerre du Liban, les choses se soient améliorées. Bien au contraire, le feu est un peu partout dans cette région du monde et dans d'autres. Et dans d'autres, oui. Là, évidemment, on pense à la Syrie. Le musicien Hassan Abdelrahman est syrien. C'est lui qui avait fait la musique de un de mes précédents spectacles, Tout un homme. Il est aussi dans le spectacle en tant que comédien et musicien, joueur de oud. Il y a aussi une guitare électrique. Mais voilà, c'est en effet... le Liban est le fond de ce travail d'Antigone 82, mais on pense évidemment et malheureusement à tous les conflits. Voilà. 9 comédiens, c'est à la distribution, comédiens, musiciens, acteurs. Voilà, il y a trois acteurs qui viennent de Tout un homme, mon précédent spectacle sur les mineurs maghrébins et l'immigration. Il y a donc Amou Graya qui est magnifique, Fadila Belkebla et Hassan Abdelrahman qui faisaient partie de mon travail Tout un homme. Il y a 2 acteurs de conservatoire que j'ai eus il y a très peu de temps, qui sont de magnifiques acteurs, jeunes acteurs. Il y a 3 acteurs qui sont issus de l'école de Saint-Étienne, assez magnifiques. Et puis il y a un acteur que j'ai pris qui est musicien et comédien que je viens d'avoir à l'école de Lausanne. Chantier de création de Jean-Paul Wenzel, notre invité, Antigone 82, d'après le 4e mur de Sorge Chalandon, paru aux éditions Grasset, sur une adaptation d'Arlette Namion, qui co-dirige la compagnie avec vous, la compagnie Dorénavance. Mille merci. J'espère que ça va donner l'envie à nos auditeurs d'aller découvrir bien ce travail en cours, chantier de création, jeudi 22 septembre 19h30, vendredi 23 septembre à 20h30 à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Grand Centre.